Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Première série, chapitre 19. Les bimbex, suite. Retour au nid. L'amophile, forant son puits à une heure tardive de la journée, abandonne son ouvrage, après en avoir fermé l'orifice avec le couvercle d'une pierre, s'éloigne d'une fleur à l'autre, se dépayse, et sait néanmoins revenir le lendemain avec sa chenille au domicile creusé la veille, malgré l'inconnu des lieux, souvent nouveaux pour elle. Le bimbex, chargé de gibier, s'abat avec une précision mathématique sur le seuil de sa porte, obstrué de sable et confondu avec le reste de la nappe sablonneuse. Où mon regard et ma mémoire sont en défaut, leur coup d'œil et leurs souvenirs ont une sûreté qui tient de l'infaillible. On dirait qu'il y a dans l'insecte quelque chose de plus subtil que le souvenir simple, une sorte d'intuition des lieux sans analogue en nous, enfin une faculté indéfinissable que je nomme mémoire, faute d'autre expression pour la désigner. L'inconnu ne peut avoir de nom. Afin de jeter, s'il est possible, un peu de jour sur ce point de la psychologie des bêtes, j'ai institué une série d'expériences que je vais exposer ici. La première a pour objet le Cerceris tuberculé, le chasseur de Cléone. Vers 10 heures du matin, je prends 12 femelles occupées dans le même talus, dans la même bourgade, soit à l'excavation, soit à l'approvisionnement des terriers. Chaque prisonnière est enfermée à part dans un cornet de papier et le tout est mis dans une boîte. Je m'éloigne de l'emplacement des nids de 2 kilomètres environ et je relâche alors mes cerceris en ayant soin d'abord, pour les reconnaître plus tard, de les marquer d'un point blanc au milieu du thorax, avec un bout de paille trempé dans une couleur indélébile. Les hyménoptères s'envolent à quelques pas seulement dans toutes les directions, qui d'ici, qui de là. Ils se posent sur des brins d'herbe, se passent un moment les tarses antérieurs sur les yeux, comme éblouis par le vif soleil qui leur est brusquement rendu. Puis prennent l'essor les uns plus tôt, les autres plus tard, et se dirigent tous sans hésitation aucune en ligne droite vers le sud, c'est-à-dire dans la direction de leur domicile. 5 heures plus tard, je reviens à l'emplacement commun des nids. À peine arrivé, je vois 2 de mes cerceris à marque blanche travaillant au terrier. Bientôt, un 3e survient de la campagne avec un charançon entre les pattes. Un 4e ne tarde pas à le suivre. 4 sur 12 en moins d'un quart d'heure, c'est assez pour la conviction. Je jugeais inutile de prolonger mon attente. Ce que 4 ont su faire, les autres le feront s'ils ne l'ont déjà fait. Et il est bien permis de supposer que les 8 absents sont en course pour raison de chasse, ou bien retirés dans les profondeurs de leur galerie. Ainsi transportés à 2 kilomètres, dans une direction et par une voie dont ils ne pouvaient avoir eu connaissance au fond de leur prison de papier, mes cerceris étaient revenus, en partie du moins, à leur domicile. J'ignore à quelle distance les cerceris prolongent leur domaine de chasse, et il peut se faire que dans un rayon de 2 kilomètres, le pays leur soit plus ou moins connu. Non suffisamment dépaysés au point où je les avais transportés, ils auraient alors regagné leur domicile par l'habitude acquise des lieux. L'expérience était à renouveler avec un éloignement plus grand et un lieu de départ qu'on ne put soupçonner être connu de l'hyménoptère. Au même groupe de terriers où j'ai puisé le matin, je prends donc 9 cerceris femelles, dont 3 venant de subir la précédente épreuve. Le transport se fait encore dans l'obscurité d'une boîte, chaque insecte reclus dans son cornet de papier. Le point de départ choisi est la ville voisine, Carpentras, à 3 kilomètres environ du terrier. Je dois relâcher mes bêtes, non au milieu des champs, comme la première fois, mais en pleine rue, au centre d'un quartier populeux où les cerceris, avec leurs mœurs rustiques, n'ont certainement jamais pénétré. Comme la journée est déjà avancée, je diffère l'épreuve et mes captifs passent la nuit dans leur prison cellulaire. Le lendemain matin, vers les 8 heures, je les marque sur le thorax d'un double point blanc, pour les distinguer de ceux de la veille, n'en portant qu'un seul. Et je les rends à la liberté, l'un après l'autre, au milieu de la rue. Chaque cerceris relâché monte d'abord verticalement, entre les 2 rangées de façades, comme pour se dégager au plus vite du défilé de la rue et gagner les larges horizons. Puis, dominant les toits, il s'élance tout aussitôt et d'un fougueux essor vers le sud. et c'est du sud que je les ai apportés dans la ville. C'est au sud que se trouve leur terrier. 9 fois, avec mes 9 prisonniers, rendus libres l'un après l'autre, j'eus ce frappant exemple de l'insecte qui, totalement dépaysé, n'hésite pas dans la direction à suivre pour revenir au nid. Quelques heures plus tard, j'étais moi-même au terrier, je vis plusieurs des cerceris de la veille reconnaissables à leur point blanc unique sur le thorax, mais je n'en vis aucun de ceux que je venais de relâcher. N'avaient-ils su retrouver leur domicile? Étaient-ils en expédition de chasse? Ou bien se tenaient-ils cachés dans leur galerie pour y calmer les émotions d'une telle épreuve? Je ne sais. Le lendemain, nouvelle visite de ma part, et cette fois, j'ai la satisfaction de trouver à l'ouvrage, aussi active que si rien d'extraordinaire ne s'était passé, 5 cercéris à double point blanc sur le thorax. 3 kilomètres au moins de distance, la ville, avec ses habitations, ses toitures, ses cheminées fumeuses, chose si nouvelle pour ces francs campagnards, n'avait pu faire obstacle à leur retour au nid. Enlevé de sa couvée et transporté à des distances énormes, le pigeon promptement revient au colombier. Si l'on voulait proportionner la longueur du trajet au volume de l'animal, combien le cercéris transporté à 3 kilomètres et retrouvant son terrier serait supérieur au pigeon? Le volume de l'insecte ne fait pas 1 cm³, et celui du pigeon doit bien égaler le 10 cm³, s'il ne le dépasse pas. L'oiseau, 1 000 000 fois plus gros que l'hyménoptère, devrait donc, pour rivaliser avec celui-ci, retrouver le colombier à une distance de 3 000 km, 3 fois la plus grande longueur de la France du nord au sud. Je ne sache pas qu'un pigeon voyageur ait jamais accompli pareille prouesse. Mais puissance d'aile et encore moins lucidité d'instinct ne sont pas qualités se mesurant au mètre. Le rapport des volumes ne peut ici se prendre en considération, et l'on ne doit voir dans l'insecte qu'un digne émule de l'oiseau, sans décider à qui des deux revient l'avantage. Pour revenir aux colombiers et aux terriers, lorsqu'ils sont artificiellement dépaysés par l'homme et transportés à de grandes distances en des régions non encore visitées par eux et dans des directions inconnues, le pigeon et le cercéris sont-ils guidés par le souvenir? Ont-ils pour boussole la mémoire quand, parvenus à une certaine hauteur, d'où ils relèvent en quelque sorte le point, ils s'élancent de toute leur puissance d'essor du côté de l'horizon où se trouve leur nid? Est-ce la mémoire qui leur trace la route dans les airs à travers de régions qu'ils voient pour la première fois? Évidemment non, il ne peut y avoir souvenir de l'inconnu. L'hyménoptère et l'oiseau ignorent les lieux où ils se trouvent. Rien ne peut les avoir instruits de la direction générale suivant laquelle s'est effectué le déplacement, car c'est dans l'obscurité d'un panier clos ou d'une boîte que le voyage s'est accompli. Localité, orientation, tout leur est inconnu, et cependant ils se retrouvent. Ils ont donc pour guide mieux que le souvenir simple. Ils ont une faculté spéciale, une sorte de sentiment topographique dont il nous est impossible de nous faire une idée, n'ayant en nous rien d'analogue. Je vais établir, expérimentalement, combien cette faculté est subtile, précise, dans le cycle étroit de ses attributions, et combien aussi elle est bornée, obtuse, s'il lui faut sortir des habituelles conditions où elle s'exerce. Telle est l'invariable antithèse de l'instinct. Un bimbex, activement occupé de l'alimentation de sa larve, quitte le terrier. Il y reviendra tout à l'heure avec le produit de sa chasse. L'entrée est soigneusement bouchée avec du sable que l'insecte y a balayé à reculons avant de partir. Rien ne la distingue des autres points de la surface sablonneuse. Mais ce n'est pas là du tout une difficulté pour l'hyménoptère qui retrouve sa porte avec un tact que j'ai déjà fait ressortir. Méditons quelques perfidies. Modifions l'état des lieux pour dérouter la bête. Je recouvre l'entrée d'une pierre plate, large comme la main. Bientôt, l'hyménoptère arrive. Le changement profond qui s'est fait en son absence sur le seuil du logis paraît ne lui causer la moindre hésitation. Du moins, le bimbex s'abat tout aussitôt sur la pierre et cherche un moment à creuser, non au hasard sur la dalle, mais en un point qui correspond à l'orifice du terrier. La dureté de l'obstacle l'a promptement dissuadé de cette entreprise. Il parcourt alors la pierre en tous sens, la contourne, se glisse par-dessous et se met à fouiller dans la direction précise du logis. La pierre plate est trop peu pour dérouter la fine mouche. Trouvons mieux que cela. Afin d'abréger, je ne laisse pas le bimbex continuer ses fouilles qui, je le vois, aboutiraient promptement au succès. Je le chasse au loin avec le mouchoir. L'absence assez longue de l'insecte effrayé me permettra de préparer à loisir mes embûches. Quels matériaux maintenant employer ? En ces expérimentations improvisées, il faut savoir tirer parti de tout. Non loin sur le chemin est le crottin frais d'une bête de somme. Voilà du bois pour faire flèche. Le crottin est recueilli, mis en morceaux, émietté, puis répandu en une couche d'au moins un pouce d'épaisseur sur le seuil du terrier et des alentours, dans une étendue d'un quart de mètre carré environ. Voilà certes une façade d'habitation comme jamais bimbex n'en connut de pareil. Coloration, nature des matériaux, effluves stercorales, tout concourt à donner le change à l'hyménoptère. Prendra-t-il cela, cette nappe de fumier, cette ordure, pour le devant de sa porte ? Mais oui, le voici qui arrive, examinant de haut l'état insolite des lieux, et prend pied au centre de la couche, précisément en face de l'entrée. Il fouille, se fait jour à travers la masse filandreuse, et pénètre jusqu'au sable où l'orifice du couloir est aussitôt trouvé. Je l'arrête pour le chasser au loin une seconde fois. Cette précision avec laquelle l'hyménoptère s'abat devant sa porte, masquée cependant d'une façon si nouvelle pour lui, n'est-elle pas la preuve que la vue et le souvenir ne sont pas ici les seuls guides ? Que peut-il y avoir de plus ? Serait-ce l'odorat ? C'est fort douteux, car les émanations du crottin n'ont pu mettre en défaut la perspicacité de l'insecte. Essayons néanmoins une autre odeur. J'ai sur moi précisément, faisant partie de mon bagage entomologique, un petit flacon d'éther. La nappe de fumier est balayée et remplacée par un matelas de mousse peu épais mais à grande surface et sur lequel je verse le contenu de mon flacon aussitôt que je vois le bimbex arriver. Trop forte, les vapeurs éthérées tiennent d'abord l'hyménoptère à distance. C'est l'affaire d'un instant, puis l'hyménoptère s'abat sur la mousse, répandant encore une odeur très sensible d'éther. Il traverse l'obstacle et pénètre chez lui. Les effluves éthérées ne le déroutent pas mieux que les effluves stercoraux. Quelque chose de plus sûr que l'odorat lui dit où est son nid. Fréquemment, on a fait intervenir les antennes comme siège d'un sens spécial, apte à guider les insectes. J'ai déjà montré comment la suppression de ces organes paraît n'entraver en rien les recherches des hyménoptères. Essayons encore une fois, dans de plus larges conditions. Le bimbex est saisi, amputé de ses antennes jusqu'à la racine et aussitôt relâché. Aiguillonné par la douleur, affolé par sa captivité entre mes doigts, l'insecte part plus rapide qu'un trait. Il me faut attendre une grosse heure, très incertain du retour. L'hyménoptère arrive pourtant et avec son invariable précision s'abat tout près de sa porte dont j'ai pour la quatrième fois changé le décor. L'emplacement du nid est maintenant couvert d'une mosaïque de cailloux de la grosseur d'une noix. Mon travail qui, par rapport au bimbex, dépasse ce que sont pour nous les monuments mégalithiques de la Bretagne, les alignements de menhirs de Carnac, est inefficace pour tromper l'insecte mutilé. L'hyménoptère privé d'antenne retrouve son entrée au milieu de ma mosaïque avec la même facilité que l'avait fait, en d'autres conditions, l'insecte pourvu de ses organes. Je laissais la fidèle mère rentrer en paix cette fois dans son logis. Les lieux transformés d'aspect coup sur coup à quatre reprises, les devants de la demeure changés dans leur coloration, leur odeur, leurs matériaux, la douleur enfin d'une double blessure, tout avait échoué pour dérouter l'hyménoptère, pour le faire simplement hésiter sur le point précis de sa porte. J'étais à bout de stratagème et je comprenais moins que jamais comment l'insecte, s'il n'a pas un guide spécial dans quelque faculté de nous inconnue, peut se retrouver lorsque la vue et l'odorat sont mis en défaut par les artifices dont je viens de parler. À quelques jours de là, une expérience me sourit pour reprendre le problème sous un nouveau point de vue. Il s'agit de mettre à découvert dans toute son étendue, sans trop le dénaturer, le terrier des bimbex, opération à laquelle se prête aisément le peu de profondeur de ce terrier, sa direction presque horizontale et la faible consistance du sol où il est creusé. À cet effet, le sable est peu à peu raclé avec la lame d'un couteau. Ainsi privée de sa toiture d'un bout à l'autre, la demeure souterraine devient un demi-canal, une rigole, droite ou courbe, une paire de décimètres de longueur, libre au point où était la porte d'entrée, terminée en cul-de-sac à l'autre bout, où gît la larve au milieu de ses victuailles. Voilà le domicile à découvert, en pleine lumière, sous les rayons du soleil. Comment se comportera la mère à son retour ? Divisons la question suivant le précepte scientifique. L'embarras pourrait être grand pour l'observateur. Ce que j'ai déjà vu me le fait assez soupçonner. La mère survenant a pour mobile la nourriture de sa larve. Mais pour arriver à cette larve, il faut premièrement trouver la porte. Vers et porte d'entrée, voilà dans la question les deux points qui me semblent mériter d'être examinés à part. J'enlève donc le verre ainsi que les provisions et le fond du couloir devient place nette. Ces préparatifs faits, il n'y a plus qu'à s'armer de patience. L'hyménoptère survient enfin et va droit à sa porte absente, à cette porte dont il ne reste que le seuil. Là, pendant une bonne heure, je le vois fouiller superficiellement, balayer, faire voler le sable et s'obstiner, non à creuser une nouvelle galerie, mais à rechercher cette clôture mobile qui doit aisément céder sous la seule poussée de la tête et livrer passage à l'insecte. Au lieu de matériaux mouvants, il trouve sol ferme, non encore remué. Averti par cette résistance, il se borne à explorer la surface, toujours dans l'étroit voisinage de l'endroit où devrait se trouver l'entrée. Quelques pouces d'écart, c'est tout ce qu'il se permet. Les points qu'il a déjà sondés et balayés pour la 20e fois, il revient les sonder, les balayer encore, sans pouvoir se décider à sortir de son étroit rayon, tant est tenace sa conviction que la porte devrait être là et pas ailleurs. Avec une paille, à diverses reprises, doucement, je le pousse en un autre point. L'insecte ne s'y laisse prendre. Il revient tout aussitôt à l'emplacement de sa porte. De loin en loin, la galerie, devenue demi-canal, paraît attirer son attention, mais bien faiblement. Le bimbex y fait quelques pas, toujours en râtelant, puis revient à l'entrée. Deux ou trois fois, je lui vois parcourir la rigole dans toute sa longueur. Il atteint le cul-de-sac, demeure de la larve, y donne négligemment quelques coups de râteau et se hâte de regagner le point où fut l'entrée pour y continuer ses recherches avec une persistance qui finit par lasser la mienne. Plus d'une heure s'était écoulée et le tenace hyménoptère cherchait toujours sur l'emplacement de la porte disparue. Que se passera-t-il en présence de la larve ? Tel est le second point de la question. Continuer l'expérimentation avec le même bimbex n'eût pas présenté les garanties désirables. L'insecte, rendu plus opiniâtre par ses vaines recherches, me semblait maintenant obsédé d'une idée fixe, cause certaine de troubles pour les faits que je désirais constater. Il me fallait un sujet nouveau, non surexcité, uniquement livré aux impulsions du premier moment, l'occasion ne tarda pas à se présenter. Le terrier est mis à découvert d'un bout à l'autre, comme je viens de l'expliquer. Mais je ne touche pas au contenu. La larve est laissée en place, les provisions sont respectées. Tout est en ordre dans la maison, il n'y manque que la toiture. Eh bien, devant ce domicile à jour, dont le regard saisit librement tous les détails, vestibule, galerie, chambre du fond avec le verre et son monceau de diptères, devant cette demeure devenue rigole, à l'extrémité de laquelle s'agite la larve, sous les cuisants rayons du soleil, la mère ne change rien aux manœuvres déjà décrites. Elle met pied à terre au point où fut l'entrée. C'est là qu'elle fouille, qu'elle balaie le sable. C'est là qu'elle revient toujours, après quelques essais ailleurs, dans un rayon de quelques pouces. Nulle exploration de la galerie, nul souci de la larve en angoisse, le ver, dont le délicat épiderme vient brusquement de passer de la douce moiteur d'un souterrain aux âpres ardeurs de l'insolation, se tord sur son monceau de diptères mâchés. La mère ne s'en préoccupe. C'est pour elle le premier des objets venus épars sur le sol, petits cailloux, mottes de terre, lopins de boue sèche, et pas plus. Ça ne mérite pas attention. À cette tendre et fidèle mère, qui s'exténue pour arriver au berceau de son nourrisson, il faut pour le moment la porte d'entrée, l'habituelle porte et rien que cette porte. Ce qui remue ses entrailles maternelles, c'est le souci du passage connu. La voie est libre cependant, rien n'arrête la mer, et sous ses yeux se démène anxieusement le ver, but final de ses inquiétudes. D'un bond, elle serait au malheureux, qui réclame assistance. Que n'accourt-elle auprès du nourrisson chéri ? Elle lui creuserait une nouvelle demeure. Rapidement, elle le mettrait à l'abri sous terre. Mais non, la mère s'entête à la recherche d'un passage n'existant plus, tandis que le fils se grille au soleil sous ses yeux. Ma surprise n'a pas d'égal devant cette obtuse maternité, le plus puissant néanmoins, le plus fécond en ressources, de tous les sentiments qui agitent l'animal. À peine en croirais-je le témoignage de ma vue, sans des épreuves répétées à satiété, tant sur les cercéris et les filantes que sur les bimbex de différentes espèces. Il y a plus fort encore. La mère, après de longues hésitations, s'engage enfin dans la rigole, reste du primitif corridor. Elle avance, recule, avance de nouveau, donnant de ci de là, sans s'y arrêter, quelques négligents coups de balai. Guidée par de vagues réminiscences, et peut-être aussi par le fumet de venaison qu'exhale le tas de diptères, elle atteint par moments le fond de la galerie, le point même où gît la larve. Voilà la mère et son fils. En ce moment de rencontre, après de longues angoisses, y a-t-il soins empressés, effusion de tendresse, signe quelconque de maternelle joie ? Qui le croirait n'a qu'à recommencer mes expériences pour se dissuader. Le bimbex ne reconnaît en rien sa larve, chose pour lui de valeur nulle, encombrante même, pur embarras. Il marche sur le ver, il le piétine sans ménagement, dans ses allées et venues précipitées. S'il veut essayer une fouille au fond de la chambre, il le refoule en arrière par de brutales ruades. Il le pousse, le culbute, l'expulse. Il ne traiterait pas autrement un gravier volumineux qui le gênerait dans son travail. Ainsi rudoyé, la larve songe à la défense. Je l'ai vu saisir la mère par un tarse, sans plus de façon qu'elle en aurait mis à mordre la patte d'un diptère, sa proie. La lutte fut vive, mais enfin les féroces mandibules lâchèrent prise, et la mère disparut affolée en jetant un piaulement d'ailes des plus aigus. Cette scène dénaturée, le fils mordant la mère, essayant peut-être de la manger, est rare et amenée par des circonstances qu'il n'est pas permis à l'observateur de provoquer. Ce à quoi il est toujours possible d'assister, c'est la profonde indifférence de l'hyménoptère devant sa progéniture et le dédain brutal avec lequel est traitée cette masse encombrante, le ver. Une fois le fond du couloir exploré du râteau, ce qui est affaire d'un instant, le bimbex revient au point favori, le seuil de la demeure, où il reprend ses inutiles recherches. Quant au ver, il continue à se démener, à se tordre, où l'ont rejeté les maternelles ruades. Il périra sans secours aucun de sa mère, qui ne le reconnaît plus, faute d'avoir trouvé l'habituel passage. Repassons par là le lendemain, et nous le verrons au fond de sa rigole, à demi cuit au soleil, et déjà la proie des mouches dont il faisait lui-même sa proie. Telle est la liaison des actes de l'instinct, s'appelant l'un l'autre dans un ordre que les plus graves circonstances sont impuissantes à troubler. Que cherche le bimbex en dernière analyse ? La larve, évidemment. Mais pour arriver à cette larve, il faut pénétrer dans le terrier, et pour pénétrer dans ce terrier, il faut d'abord en trouver la porte. C'est à la recherche de cette porte que la mère s'obstine, devant sa galerie librement ouverte, devant ses provisions, devant sa larve, elle-même. La maison en ruine, la famille en péril, pour le moment ne lui disent rien. Il lui faut avant tout le passage connu, le passage à travers le sable mobile. Périssent tout, habitation et habitants, si ce passage n'est pas retrouvé. Ces actes sont comme une série d'échos qui s'éveillent l'un l'autre dans un ordre fixe et dont le suivant ne parle que lorsque le précédent a parlé. Non pour cause d'obstacle, puisque la demeure est toute ouverte, mais faute de l'habituelle entrée, le premier acte ne peut s'accomplir. Cela suffit. Les actes suivants ne s'accompliront pas. Le premier écho est muet et les autres se taisent. Quel abîme de séparation entre l'intelligence et l'instinct ! À travers les décombres de l'habitation ruinée, la mère, guidée par l'intelligence, se précipite et va droit à son fils. Guidée par l'instinct, elle s'arrête obstinément où fut la porte. Ici se termine Retour au nid de Jean-Henri Fabre, enregistré par Christiane Jehanne.